La radio à vif. Il est 19h30, vous écoutez Radio Antigone, Phil FM. Belle soirée, voici la case électorale jusqu'à 22h. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. La case présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Ici Antoine Ricard, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Phil FM et Radio Antigone. Merci d'avoir choisi le travail de notre rédaction et bienvenue dans cette case électorale du second tour de ce scrutin présidentiel de ce dimanche 24 mars, 19h30. Nous sommes donc ensemble en direct jusqu'à 22h. Alors que ce sont presque 49 millions de Français qui furent aujourd'hui invités à être devant un quadruple choix. Quid d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, ou le vote blanc, ou même l'abstention, qui aura peut-être même les faveurs des citoyens. Il semblerait que ce soit pour l'instant cette dernière offre qui tienne la dragée haute de 28,2% selon les estimations de nos amis de Radio France, notamment France Info. Alors qu'à Blois comme à Bourges, les bureaux de vote sont déjà fermés depuis maintenant une bonne demi-heure. Dans les grandes métropoles, le glas sera donné à 20h où nous apporterons, ici même sur Radio Antigone et sur Phil FM, nos estimations. Nous avons déjà quelques chiffres, nous ne pouvons évidemment pas vous les donner, mais ce sera évidemment une élection tout à fait étonnante à plus d'un titre. Le résultat officiel de ces élections, par ailleurs, sera proclamé mercredi prochain, le 27 avril, alors que l'investiture devrait, quant à elle, avoir lieu avant le 13 mai au soir. Petit point rapide donc sur la participation ce soir à midi, elle était au niveau national de 26,4%, au niveau national donc, alors qu'à 17h elle était de 63%, donc tout va se jouer entre 17h et 20h. Deux points, au moins largement deux points perdus entre le premier tour et deux points également perdus depuis le précédent scrutin en 2017. Avec moi ce soir, donc au micro de Phil FM et de Radio Antigone, il y a évidemment, comme la semaine dernière, Enzo Romano et Adam Le Fur. Bonsoir messieurs. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et bonsoir à tous bien sûr. Vous avez peut-être messieurs déjà un premier point sur les participations de votre côté, alors que la musique est actuellement très très forte dans mon casque, mais cela n'est pas si grave évidemment. C'est seulement dans ton casque, ne t'inquiète pas. C'est seulement dans mon casque, très bien. Adam, donc, pour Phil FM Blois, donc, peut-être as-tu déjà des premiers résultats au niveau de la participation de ton côté ? Alors, la participation, elle date de 17h dans le Loir-et-Cher. On est à 65,43%. Donc, ce serait au-dessus, donc, déjà du niveau national, donc, parce que qui serait affiché pour l'instant aux alentours des 62% pour l'instant. Pardon. Enzo, peut-être de ton côté ? Pas spécialement de chiffres, à part les chiffres que je vois sur ma télévision, c'est-à-dire une... j'ai pas regardé localement encore, je n'ai pas pu regarder localement, j'ai que de façon nationale 28,2% d'abstention. L'estimation à 20h de Ipsos Soprasteria. Tout à fait. Alors que dans le Cher, donc ici, à 17h, le taux de participation est de 66,7%, quasiment 66,68% pour être précis, soit presque 2 points de plus qu'en 2017 à la même heure, et également hausse par rapport au premier tour, car on était aux alentours des 65%. Voilà, messieurs, pour le premier état des lieux. Donc, second tour, on l'a dit, plein de surprises, plein de passion, avec notamment Jean Lassalle qui s'est fait remarquer ce midi, en allant voter et en ne voulant pas mettre son bulletin dans l'urne. Et visiblement, de ce que nos confrères du Berry Républicain annoncent, il y a déjà les premiers résultats totaux qui sont en train d'arriver à Bourges, vu que les présidents de bureaux de vote sont arrivés avec les résultats à la mairie, mais vu qu'il y a effectivement des machines, ça va beaucoup plus vite ici. Évidemment, toujours aucun résultat à donner, vu qu'il n'est que 19h passé de presque 36 minutes, Enzo et Adam. Et nous respecterons totalement la règle, et nous ne vous donnerons des résultats qu'à 20h, pas avant. Effectivement, alors un petit point résultat quand même, au bureau 1 de Vierzon, il y a eu un bulletin de Jean-Luc Mélenchon qui a été mis dans l'urne. Un autre message porte le message « Vive le roi ». Voilà. Donc décidément, des votes qui seront comptabilisés comme étant nuls. Il est 19h36, donc... Puis il y a une petite particularité aussi. Oui, oui, sur ce premier tour, petite info insolite, on apprend aussi que Florian Philippot s'est fait flasher sur l'autoroute à plus de 170 km/h sur le chemin du bureau de vote. Eh bien, comme quoi, c'est ce qu'on appelle peut-être un retour de karma, comme dirait l'autre. Voilà. chez nos camarades de France 2, on a vu Manuel Valls arriver. Je ne vois pas pourquoi Manuel Valls aurait plus de légitimité que quelqu'un d'autre à parler, mais bon, pourquoi pas après tout, ma foi. C'est toujours la même question. Messieurs, justement... Ancien Premier ministre, quand même, il me semble. Tout à fait. Voilà, en plus d'avoir été, je crois, à l'intérieur avant, donc niveau ministre... C'est quand même une personnalité importante de la vie politique. Bah, ça a été une personnalité importante de la vie politique qui, pour certains Français peuvent considérer qu'il a son mot à dire, et d'où le choix sûrement de France 2 de l'avoir invité. Tout à fait, mon cher Enzo. Il est 19h36. On va peut-être justement continuer évidemment à parler comme avec vous jusqu'à 22h de ces élections et justement du casse-tête du temps de parole. Parce qu'on le sait, le temps de parole dans les médias a toujours été assez compliqué à gérer, avec l'ARCOM qui veille au grain à la minute près, voire même à la seconde près. C'est la magie des élections, et c'est justement un reportage d'Amaury de Rochegonde qui nous explique comment ça se passe du point de vue du temps de parole entre les deux tours. On écoute ça tout de suite sur Radio Antigone, sur Phil FM. Certains appellent cela le charme de la période de campagne officielle, d'autres y voient un dispositif qui encourage le désintérêt pour la politique et peut-être même l'abstention. En tout cas, les deux semaines qui s'achèvent se distinguent par des règles très strictes d'égalité des temps de parole et d'antenne des 12 candidats, comme pour leur clip officiel. Ce qui veut dire que pendant 15 jours, le plus bas dans les sondages a bénéficié du même temps d'antenne aux mêmes horaires que le plus haut, et même que les commentaires de meeting, les éditoriaux, les chroniques comme celle-ci doivent accorder la même place à chacun, sauf à laisser à d'autres le soin de rattraper un ou des retards. Nous ne dirons donc pas le nom de ce candidat qui trouve absurde de bénéficier en 15 jours d'autant de temps médiatique qu'en 5 ans. Tout juste se risque-t-on à mentionner l'existence d'un président qui n'a pas vu son dernier grand meeting à la Défense relayé sur la première chaîne d'info BFM TV, car il était impossible pour elle de répliquer 11 fois le même suivi médiatique. Le plus étonnant, c'est que ce dispositif ne concerne que la radio et la télé, c'est la contrepartie des fréquences publiques, et non pas la presse ou le numérique. C'est ainsi que le discours du dit président a été suivi, commenté sur le site de BFM, et que la dernière interview accordée par ce même président l'a été à Brut, un média numérique, où l'on retrouve d'ailleurs Thomas Negarov, journaliste qui officie sur France Télévisions. Brut n'est pas comptabilisé dans le décompte du temps de parole et il a déjà pu rassembler 7 millions de vidéos vues sur les vaccins avec Emmanuel Macron. Certes, ce décompte strict est le seul système qui permette de parler ou de faire parler des petits candidats, alors même que la campagne a été marquée par l'absence de débat et la volonté du président sortant de ne pas se jeter dans l'arène. Mais il faut bien le dire, en pleine guerre en Ukraine, cette comptabilité incite aussi des médias audiovisuels à sous-exposer la politique française pendant une période où l'on ne devrait parler, pour ainsi dire, que de cela. En plus, ce temps officiel fait suite à une période avant le 1er janvier où de grosses inégalités ont été constatées, notamment en faveur d'un candidat populiste. Bien sûr, après le 1er janvier, on est entré dans la période d'équité qui impose de répartir les prises de parole sur des horaires comparables. Mais entre l'absence de règles avant l'équité et un trop-plein de règles avec l'égalité, il y a sans doute un équilibre à trouver dans la durée. Voilà pour ce reportage que Antoine vous a proposé, reportage consacré à cette histoire de tant de paroles dans les médias, reportage signé RFI, la chronique des médias, notre partenaire RFI et Amaury de Rochegonde. On va retrouver Antoine dans un instant, vous êtes toujours en plein cœur de cette édition spéciale présidentielle qui vient donc de commencer. La case et la case présidentielle où à 20h nous vous donnerons les premières estimations de des résultats de ce second tour des élections présidentielles. Qui sera le président? La case présidentielle. Est-ce qu'on a retrouvé Antoine? Je ne crois pas. Voilà. Adam, es-tu là? Toujours. Voilà, pardon, je t'avais muté de mon côté, donc on t'entend, voilà. Je suis là. Voilà, et on devrait retrouver Antoine. J'espère qu'on va le retrouver. Est-ce qu'il a posté un message? Peut-être quelque part, je ne sais pas. Bon, espérons qu'il revienne. Non, on va retrouver Antoine dans quelques instants, je pense. Oui, on va le retrouver. Tu nous parlais tout à l'heure, je crois, de l'estimation de l'abstention à 17h dans ton département, Adam, c'est ça? Je ne sais plus exactement. Oui, l'estimation de la participation, plutôt, un chiffre officiel du ministère de l'Intérieur, bien évidemment, c'est même plus une estimation, c'est un chiffre officiel, qui est de 65,43%, mais à 17h, il n'y a pas pour l'instant de taux de participation définitif pour le Loir-et-Cher. D'accord, merci beaucoup. Adam, rappelons que c'est un des plus forts taux d'abstention actuellement. Alors si on reste sur si on fait des statistiques par rapport à une abstention, une hypothèse d'abstention. Ah, on a retrouvé Antoine. Sachant qu'on est donc on serait sur la deuxième plus grande abstention depuis 1965, la plus grande étant en 1969, 31,1% d'abstention. Antoine, est-ce que tu nous entends? Non, je pense qu'il ne nous entend pas, ou en tout cas, on ne l'entend pas. Ah, voilà, et normalement, tu as l'antenne cette fois. Eh bien, il faut que Adam parle. Oui, allô? Pas d'écho, c'est déjà bien. Alors, et surtout, on ne t'entend pas à l'antenne. Non, tu parles dans le mauvais, il faut que tu inverses les deux, voilà. Tu parles dans le mauvais, ça va le faire, on va y arriver, c'est pas grave. Moi je t'entends parce que j'ai le retour, mais tu parles dans le mauvais, c'est pas grave. On a peut-être un petit reportage en attendant de régler les problèmes. Si Antoine nous autorise à lancer le reportage, voilà. On va dire qu'on va lancer le deuxième reportage, en effet. Alors, peut-être pas le deuxième, parce que le deuxième, il me semble qu'il dure longtemps. C'est un invité que nous avions. Néanmoins, nous pouvons parler un petit peu presse. Et peut-être cette revue de presse proposée par Robert Navarro, proposée par RFI, et qui nous raconte l'épilogue du vrai-faux suspense de la présidentielle. Très, très intéressant, hein, l'approche. Ah, ça y est. Allô? Antoine, retour. Antoine. Ah, j'ai retrouvé Adam. Voilà, on a retrouvé l'écho aussi. Mais j'ai perdu Enzo, ce qui est tout à fait intéressant comme concept. Oui, c'est normal que tu m'aies perdu. Parce qu'il faut aussi avoir en écoute l'autre. Alors, vu que je n'ai plus Enzo, mais je pense qu'Enzo m'entend, vu que Adam m'entend, donc je suis à l'antenne. Ce que je vous propose, messieurs, ça va être compliqué ce soir, ça va être compliqué. Ce que je vous propose, on s'apprêtait à lancer un reportage. Ah bah moi je vais mettre de la musique, tu vois. Eh bah allons-y. Allons-y pour de la musique. Ah Enzo, j'ai entendu vaguement Enzo derrière moi. Moi je vous propose qu'on s'écoute Mardi Bum de Arctic Monkeys, mon cher Enzo, si tu as ça en stock. J'ai tout à fait ça, j'ai ça. C'est la case présidentielle, c'est Radio Antigone, c'est Phil FM, 19h44 et tout va bien. Pour l'instant. Well, now that Mardi Bum, I've seen your frown, and it's like looking down the barrel of a gun, and it goes off. And now come all these words. Oh, there's a very very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got a face on. The one that I can't bear, well can't we just laugh and joke around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. Arctic Monkeys sur Radio Antigone à 19h47. C'était mardi, boum, à l'instant sur Phil FM en simultané sur Radio Antigone donc. Radio Antigone, Phil FM, la case présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Nous sommes toujours là, nous allons retrouver Adam, quelques petits problèmes techniques malheureusement à signaler. Mais ça va le faire, hein. Nous allons nous en sortir, j'en suis quasiment sûr. Alors j'ai l'impression que... Mais je suis là hein. Ah, oui non, j'ai dit, ah je voulais dire Antoine, pardon, excusez-moi, j'ai mélangé les deux. Oh là, ça ne va plus ça. Oui, c'est très mal parti pour retrouver Antoine. C'est... Mais... J'ai pas de nouvelles, je n'ai rien et voilà, je n'ai pas d'infos. Est-il là? Non. On va parler de ce reportage donc, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ce reportage, plutôt cette revue de presse qui nous parle donc de cet épilogue du vrai-faux suspense de la présidentielle. C'est avec Norbert Navarro tout de suite. Et c'est toujours avec Norbert Navarro et à la une de la presse magazine, Norbert, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, qui sera ce soir présidente ou président de la République pour les Français. L'heure du choix a sonné. 24 avril 2022, une journée décisive lance la une du Parisien dimanche et l'issue en sera historique, enfatise ce journal. Le Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, un choc dans lequel chacun joue gros. Ce sera un stop ou encore pour les deux finalistes, formule le Parisien dimanche. Oui, pour la présidentielle 2022, c'est déjà du passé. Eux, ce sont les militants des partis de gauche, la France Insoumise, le Parti Communiste, plus les écologistes qui préparent activement les élections législatives. Ce sera en juin prochain. Oui, et dans le journal du dimanche, l'écologiste Sandrine Rousseau invite la gauche à aller vers une coalition avec un programme de gouvernement, donnant ainsi quitus à la proposition de la France Insoumise en vue d'un accord programmatique pour les législatifs. Et les législatives, pardon, remplissons l'Assemblée, dit au JDD Sandrine Rousseau, puis marchons vers Matignon. Largement cette semaine dans la presse magazine, aussi la même consigne de vote, mais ses lecteurs, qu'en pensent-ils ? Via un sondage IFOP, l'hebdomadaire Marianne a posé la question à ses abonnés. Et le résultat est sans appel à la question « Selon vous, un média doit-il donner une consigne de vote lors d'une élection présidentielle ?» 94% des abonnés de Marianne répondent « Non », contre 6% qui répondent « Oui ». À noter que si sous la forme d'encadré, ce sondage illustre l'éditorial de l'édition imprimée de ce magazine, il n'apparaît pas sur la version en ligne de ce même éditorial. Marianne, par ailleurs, publie les résultats d'un sondage IFOP sur le vote au premier tour de l'élection présidentielle, non pas des abonnés à ce journal, mais de l'ensemble des Français en fonction de leurs habitudes médiatiques. Lecture de journaux, écoute de la radio ou choix de leur chaîne de télévision préférée. Résultat, si vous regardez le JT de France 2 ou lisez Paris Match, si vous écoutez Europe 1, vous êtes macroniste, sachez-le, signale Marianne, tandis qu'un auditeur régulier de la radio Énergie a plus de chances de voter Le Pen qu'un auditeur de France Info. Plus généralement, ce sondage indique moyenne les lecteurs de magazines d'information, dont il est ici chaque dimanche question, votent pour le président candidat à hauteur de 35,5%, pointe ce journal. Mais gare aux effets de classe, prévient Marianne, acheter régulièrement un journal, cela coûte cher. La revue de presse de RFI, elle, est gratuite, heureusement. Les coulisses de la guerre en Ukraine, enfin, avec la stratégie menée par Vladimir Poutine en Afrique ces dernières années, elle s'avère à présent payante. Oui, c'est une manifestation pro-russe organisée le 5 mars dernier à Bangui, capitale centrafricaine. Sur la photo publiée par l'Express, on aperçoit un drapeau russe et deux pancartes brandies par des manifestants. Sur l'une, le slogan « La Russie sauve le Donbass » en français dans le texte. Sur l'autre, est écrit que c'est la faute de l'OTAN. Alors pour analyser cet activisme pro-Poutine en Afrique, l'Express a notamment interrogé Arnaud Kalika, directeur du séminaire Russie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Ce chercheur remarque dans l'Express que, depuis une douzaine d'années déjà, Poutine anticipe les sanctions occidentales, cherche des plans B. Cet hebdomadaire souligne que l'envoyé spécial de la Russie pour l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, s'y est rendu 50 fois, de 2014 à 2019. Homme d'affaires français proche du président congolais Denis Sassou Nguesso, comme des milieux d'affaires russes, Jean-Yves Olivier dans l'Express encore souligne que l'Afrique a de la mémoire. Elle se souvient de l'intervention de l'OTAN en Libye face à Kadhafi en 2011 ou de l'invasion en Irak. Conclusion de ce magazine, Poutine sait que le manganèse et la bauxite, deux minéraux indispensables à l'industrie russe, viendront bientôt à manquer. Cela tombe bien, l'Afrique en regorge. Vous avez dit stratégie. Merci Norbert Navarro. Mais oui, si, mais oui, merci Norbert Navarro, une revue de presse complète, diffusée chez nos camarades de RFI ce matin. Il est 19h, passé de 53 minutes pratiquement sur Radio Antigone, et on peut déjà vous dire qu'il y a quelqu'un qui a été élu entre les deux. Voilà. Je ne peux pas vous dire qui, mais entre les deux, il y a quelqu'un qui a été élu. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Non, j'y crois pas. Ouais, ouais. Oh non, j'y crois pas. Alors là, ouais. Moi non plus, et alors, non, Enzo, c'est sûrement une fake news, alors, Antoine. Tu devrais faire attention à ce que tu balances à l'antenne. Non, par contre, j'avais une question. Est-ce qu'on peut déjà dire les chiffres sans dire à qui ils correspondent? Excellente question. Je ne pense pas. Je ne pourrais pas. Parce qu'il y aurait 58-42, mais... Intéressant. Non, c'est interdit. C'est... Non, mais non, c'est interdit. Après, dit... c'est que des chiffres qu'il dit bien. Réserve électorale. Non. Il y a eu 58 cotons-tiges jetés dans ma poubelle aujourd'hui. Ouais. Et 42 frites ingurgitées. Moi, voilà, c'est 42 calories, c'est tout à fait ce que j'ai mangé au goûter. Bah voilà. Ah, tu as appris quoi au goûter, Enzo? On va vraiment parler de ça? Moi, j'ai mis des petits gâteaux. Oui. Voilà. Des petits gâteaux. De c'était quelle marque? De la marque Carrefour. Carrefour Bio, il me semble. Fourré au chocolat. Il faut combler, là. Vraiment bon. Voilà. Alors que Arte. Cette édition spéciale est en cours de dérive. Tout à fait. Absolument pas en cours de dérive. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, messieurs, 19h55 Moi, je serais bien chaud pour passer un peu de musique. Par exemple, Jacques Brel, La ville s'endormait, juste avant les résultats. Ce serait peut-être pas mal. On parle pas sur l'intro parce que c'est Jacques Brel. Vous écoutez Radio Antigone et Philippe Femme, la case électorale jusqu'à 22h. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait.

Étude passionnante, nos résultats vont donc arriver dans moins ainsi de que 10 secondes le maintenant. Des abstentionnistes. Alors, il y a énormément dans quelques instants. En effet. Je n'ai pas de son, mais c'est pas grave. Emmanuel Macron est donc largement réélu ce soir avec 58,2% des voix selon nos estimations d'Ipsos sur Asteria, contre 41,8% pour Marine Le Pen. Voilà, c'est une réélection donc du président Macron, avec donc un score relativement confortable, mais pas non plus extrêmement agréable. Oui, voilà. Bon. Alors que Libération annonce 58,5% et Marine Le Pen 41,5%. Enfin, en gros, on est quasiment entre 58 et 59% des voix pour Emmanuel Macron. Voilà. Voilà, oui, donc avec. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Hein, avec un écart quand même assez important, plus que lors de certains sondages qui mettaient plus moins d'écart à un moment, les estimations qui peuvent évoluer. On a vu que la semaine, il y a deux semaines, ça avait beaucoup évolué au fil de la soirée avec les résultats officiels validés par le ministère qui revenaient, qui remontaient. Bah, dis-toi que BFM annonce 57,6, donc bon. Voilà, ce qui fait quand même quelques pourcents, qui fait quand même 0,8% d'écart par rapport à l'estimation d'Ipsos Soprasteria, donc voilà. C'est ça. Donc effectivement, la foule en furie, Paris, comme on peut le constater, Emmanuel Macron qui est donc élu président de la République française, deuxième mandat pour l'ancien ministre de l'économie, effectivement, on n'oublie pas de boire un petit coup pour fêter ça. Éric Dupond-Moretti qui est euphorique, on le voit, voilà, il est tout content, il a deux doigts de chanter et de danser, il sautille déjà sur place, voilà. Mais est-ce qu'il va pour autant être remis à la justice ? Rien n'est moins sûr. Il avait l'air très très confiant à la sortie du dernier conseil des ministres, d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti. Et alors que ouais, la réalisation est assez impressionnante derrière, tout près de la Tour Eiffel, avec la réalisation d'Emmanuel Macron qui nous propose avec du multicam assez impressionnant. Beaucoup de caméras, ça a l'air d'être bien prévu pour une grande communication. On rappelle 58,2% pour Emmanuel Macron, 41,8% pour Marine Le Pen, ce sont les premières estimations. Et on suivra, bien sûr, les déclarations. Oui, tout à fait. On va suivre les déclarations. Bon, moi, effectivement, je t'avouerai, sur un ordinateur, j'ai BFM, et sur l'autre, j'ai le Twitch de France Info. Donc, très bien. Forcément, le décalage est un peu spatio-temporellement. J'ai perdu... je vous ai perdu, mais je vais vous retrouver, hein. Je pense que je vais vous retrouver. Je vous ai perdu, mais ça va le faire, ça va revenir. Vous êtes toujours à l'antenne. On va vous retrouver à l'antenne, mais on est toujours. Voilà. Normalement, je vous ai retrouvé. Allô ? Oui, bonjour. Voilà. Je vous ai retrouvé. Voilà. Bon, problème. Donc, oui, je pour répondre à Antoine, oui, je suis toujours là. J'observe. Tu observes. Et je vois quelques images du lieu de rassemblement du côté de chez Marine Le Pen où l'ambiance est très calme, ça se serre un peu, ça se bouscule, mais ça a l'air d'être plutôt calme, hein, voilà, au QG de campagne de Marine Le Pen, où on sent qu'on n'est pas à la joie du tout. Ah bah, non, mais c'est étonnant dans un sens. Mais non, ce n'est pas étonnant. Mais au fond, je me demande, est-ce que Marine Le Pen ne s'y attendait pas elle-même, qu'elle n'accéderait pas à l'Élysée ? Alors que Jean-Yves Le Drian et Éric Dupond-Moretti sont au micro de France 2, justement. Ouais. Et Olivier Véran est l'invité de BFM. Et voilà. Il est 20h03, bon, il va pas parler maintenant, monsieur le Président. Non, je pense qu'on va devoir attendre un peu. On s'écouterait pas un peu de musique. Je pense qu'il parle à 21h, Macron. Il a prévu de parler à 21h, très bien, donc pendant le top horaire, ça va être pratique. Moi, je propose, justement, vu que Marine Le Pen a perdu, qu'on s'écoute l'impératrice avec le titre Peur des filles. Oh non, c'est... Oh non, il fallait que tu me lances sur celui-là. Hein. Bah, tu m'as bien demandé. Ah oui, c'est vrai. C'est juste pas le bon, mais oui, je vais me débrouiller, t'inquiète pas, je vais le faire. Ah donc. Bah, du coup, on peut mettre autre chose. Il y a quoi qui se prennent, Zola? Oh, tout le reste est prêt. Tout le reste est prêt et l'impératrice pour des filles est prêt dans 5 secondes. Donc voilà. Et bah, en attendant, on peut rappeler que vous écoutez Radio Antigone, vous écoutez Film FM, que nous sommes en direct jusqu'au bout de la nuit. Spoiler alert, non. Non. Emmanuel Macron réélu à 57,6 selon BFM. Selon nos amis de France Info, il a été réélu à 50,8% et 41,8%. Pour Marine Le Pen, voilà, effectivement, comme on est en train d'en parler, effectivement, il va falloir maintenant qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui n'est pas du tout gagné. En effet. Ça, on va en parler évidemment tout au long de la soirée, les 20h05 sur Radio Antigone sur Phil FM. C'est donc l'heure. Alors que Marine Le Pen a perdu de s'écouter par des filles, voici l'impératrice. Belle soirée dans la case électorale. Écoutez l'impératrice, Peur des filles à l'instant sur Suivez FM et sur Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. La casse présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Bonsoir ou rebonsoir, c'est l'idée de nous retrouver à l'instant sur Radio Antigone et sur Phil FM. Il est 20h, passé de presque 10 minutes. Je vous rappelle les résultats. Emmanuel Macron aurait eu avec 58,2% des suffrages exprimés. Marine Le Pen aurait toujours 41,8% des suffrages. Donc, selon les estimations de Ipsos, Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, alors qu'un DJ est carrément arrivé sur l'esplanade du Champ de Mars à Paris, là où Emmanuel Macron devrait s'exprimer aux alentours de 21h. Ça fait bien rire à dormir, visiblement. Il y a caméra. Non, mais là, il y a carrément une caméra et tout qui filme. Ok, bon, oui. Ah ouais, non, mais ils mettent beaucoup de moyens. Ils font appel directement à AMP Visual TV, hein, la grande entreprise qui gère tout ça. Ils mettent beaucoup de moyens dans cette communication. Après tout, pourquoi pas, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi aussi, quoi. Imaginez quand même, il aurait perdu. Imaginez tous ces moyens mis dans cette réalisation et tout ce qu'il avait perdu. C'est ça qui me fait rire. C'est que, et puis d'un côté, j'ai envie de dire, est-ce que d'un côté, ça ne prouve pas encore une fois une certaine arrogance de la part de Macron qui savait déjà qu'il allait être réélu dès le départ. Bah, pas forcément, c'est mieux de prévoir quitte à ne pas utiliser, si jamais ne pas faire. Ouais, mais ça fait beaucoup là. C'est peut-être quand même une forme d'échec, entre guillemets, car je vous rappelle quand même les résultats de 2017, les résultats officiels de 2017, qui s'est donc vu voir le même scrutin que ce soir, c'est-à-dire Macron, Le Pen, Emmanuel Macron avait plus de 66% des voix. Et on évoque une. Et là, il a perdu presque 10 points en 5 ans. Et Marine Le Pen, quant à elle, elle avait 33,9%. Là, elle en a presque 10 de plus cette année. 10% de plus pour elle et 10% de moins pour lui. C'est quand même quelque chose d'assez important à signaler quand même, messieurs, je trouve. Oui, bien sûr, en effet. Tu as raison, Antoine. Mais j'ai souvent raison, tu sais. Oh bah oui, bien sûr. Parce que c'est pas moi. Mais après, c'est vrai que c'est pas moi. De toute façon, je pense que du côté de Macron, le pourcentage auquel il est arrivé l'importe peu, et que ce qui comptait pour lui, c'était sûrement de gagner. Oui, mais là, le problème, c'est qu'il ne gagne pas avec la même légitimité qu'il y a 5 ans. Marine Le Pen. La majorité va être dure à atteindre, que ça soit. La majorité va être très très dure à atteindre. Du point de vue, de Marine Le Pen qui risque d'avoir, du Rassemblement National qui risque d'avoir beaucoup de sièges. Et peut-être aussi du côté de la gauche et de Mélenchon. Il y a Marine Le Pen qui va s'exprimer, Enzo, donc ce serait bien qu'on l'écoute. On écoute maintenant. Présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo! Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui, par millions, nous ont rejoints au second. Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d'outre-mer, qui m'ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m'honore et me touche sincèrement. Cette France trop oubliée, nous ne l'oublions pas. Déterminés, nous le sommes plus que jamais, et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été mille fois, et mille fois l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat, face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. À l'issue de cette séquence présidentielle, une grande recomposition politique se fait jour dans le pays, avec l'effacement des partis autrefois dominants et l'affirmation face aux élites autoproclamées d'Emmanuel Macron du courant national comme véritable opposition. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques et, on le sait, fausse la représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote, qu'aucun démocrate ne peut accepter, tant le projet d'Emmanuel Macron sur le régalien ou le social reste clivant et pour la France destructeur. Face à ceux qui prétendent demain être l'opposition à Emmanuel Macron et qui ont pourtant contribué à le réélire, nous serons ceux qui, avec une sincérité intacte, ne transigeront pas avec vos intérêts. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Le Rassemblement National œuvrera à unir tous ceux d'où qu'ils viennent qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre la politique d'Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout et donc dans votre circonscription, en métropole, en outre-mer et dans les circonscriptions de l'étranger. Je vous invite d'ores et déjà à les appuyer de toutes vos forces et dès le 12 juin à voter pour eux. Rappelez-vous, mes amis, qu'il n'y a pas de fatalité quand les Français déjouent les pronostics, continuent de garder espoir et nous donnent les moyens de les défendre. Le score historique de ce soir place notre camp dans d'excellentes dispositions pour obtenir un grand nombre de députés en juin prochain. La passion de l'avenir qui nous anime, nous voulons la mettre au service de la plus belle ambition qui soit, de la seule ambition qui vaille, et que je suis sûr vous partagez avec nous, la France. Ce soir, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France! Vous venez d'entendre la déclaration de... C'était donc Marine Le Pen. Vas-y Antoine, je rallume le micro. Oui voilà, c'était la déclaration de Marine Le Pen, comme le disait Sophie Lapix, car oui, Sophie Lapix est aussi sur Radio Antigone ce soir. Voilà, donc Marine Le Pen qui est très offensive pour les législatives, voilà, elle mise beaucoup de choses sur ça. Et j'ai vu un tweet passer pendant qu'elle faisait sa petite parlotte de notre confrère Pierrick Bonneau de RMC qui disait que le champagne avait quand même été débouché il y a même pas une heure. Donc voilà, c'était très drôle. Alors est-ce qu'ils ont d'autres échos et des résultats différents à des endroits où les dépouillements ne sont pas encore remontés ? Ah, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour l'instant, enfin voilà, de toute façon, Emmanuel Macron est quand même très nettement dans Marine Le Pen. À la bonne vôtre. Oh, on l'a bien entendu, le... Ah, on l'a très très bien entendu. C'était très beau. Il est 20h passé de 20 minutes sur Radio Antigone et sur Phil FM. Et nous avons, je crois, mon cher Enzo, une déclaration de Christophe Castaner au soutien d'Emmanuel Macron. En effet, il était sur RTL, invité de Julien Cellier. Écoutez sa réaction après cette victoire. Écoutez, c'est une victoire heureuse. Effectivement, 16% à peu près d'écart entre les deux finalistes. Et surtout, j'ai en tête que depuis le général de Gaulle, jamais aucun président de la République en fonction hors cohabitation n'a été réélu. Et c'est donc un choix de confiance des Français. C'est un choix de responsabilité aussi pour l'action que nous devons engager au plus tôt pour répondre aussi aux attentes et aux colères que nous avons entendues avant le premier tour. Pendant ces deux semaines écoulées, j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai entendu des colères et nous devrons répondre vite sur les sujets majeurs de santé, de l'école, de l'environnement, du pouvoir d'achat évidemment. On sent qu'il n'y a pas du tout de triomphalisme ce soir dans vos propos. D'abord parce que ça n'est pas ma culture et ensuite parce qu'il faut respecter ses adversaires. Marine Le Pen a mené campagne. Je suis ce soir avec vous avec une représentante de Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé troisième au premier tour, qui a mené campagne aussi et j'ai du respect pour les militants, pour les responsables politiques qui sont engagés. Mais évidemment, j'ai du bonheur et je suis heureux que le travail engagé depuis 5 ans ait été conforté par le vote significatif des Français. Voilà pour la déclaration de Christophe Castaner en réaction à la victoire d'Emmanuel Macron lors de ce second tour des élections présidentielles, mon cher Antoine. Eh oui, tout à fait, Enzo. Effectivement, Christophe Castaner, donc ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de la République En Marche, donc soutien évident d'Emmanuel Macron chez nos camarades de RTL ce soir. On va s'écouter maintenant, il me semble, si j'ai tout bien retenu, Fabien Roussel, ancien candidat à la présidentielle, qui a fait même pas 3%, il me semble, qui a quand même eu le temps de s'exprimer. On va l'écouter tout de suite. Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, candidat déchu, vous l'aurez bien compris, évidemment, vu le score qu'il a fait. Vous allez voir Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime à présent. Vous écoutez. Eh bien, au revoir Jean-Luc. Ah, excusez-moi. Vous me dites quand ça démarre ? Mais c'est parti, Jean-Luc. Sur France 2, ça démarre en tout cas. Radio Antigone aussi. Mesdames, messieurs, pour ce second tour, Madame Le Pen et Monsieur Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir, et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls. Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation. Les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures. Les personnes usées qui partiront à la retraite 3 ans plus tard. Les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués. Les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de M. Macron est un crime. Les personnes qui voient avec tristesse l'État détruit et le pays vendu à la découpe. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays, dorénavant, le tiers état qui peut tout changer, s'il se rassemble et s'il s'élargit. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Courage, action, détermination, refus toujours de la fatalité et de la résignation. Vive la France, vive la République. Voilà pour l'intervention de Jean-Luc Mélenchon qui confirme donc sa candidature au poste de Premier ministre pour un troisième tour. Ouais. Il enjambe un petit peu. Oui, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, le troisième homme qui avait appelé. Je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus trop, chez nos camarades de BFM TV à se faire élire, enfin, élire les candidats députés de la France Insoumise afin que l'on puisse accéder à une cohabitation, comme on a eu en 97 avec Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen, Enzo et Adam. Merci Antoine. Un appel donc à se mobiliser, hein. Et notamment en parlant d'un groupement de gauche, il l'a appelé comment, je sais plus, et donc ce qui nous ramène à ce qui a été l'Union populaire, le bloc populaire. Voilà, ce qui a été évoqué ces derniers jours avec plusieurs partis qui seraient derrière lui, un appel à un vote global. Oui, et d'ailleurs, effectivement, c'est une information qu'a donnée Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai que, alors, on n'est pas pro-Mélenchon ni anti-Mélenchon. Très neutre. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit que c'est le plus mal élu des présidents, c'est vrai que au second tour d'un scrutin pendant la Ve République, c'est le plus petit score qui a eu lieu face du coup à l'extrême droite, évidemment, extrême droite, au fascisme et tout ce que l'on voudra. Vous écoutez Radio Antigone et FIFM, il est passé de 26 minutes. Oui, tu voulais un jingle sûrement, je pense, là. Bon, forcément, mais c'est très bien, un jingle, effectivement. Allez. La case présidentielle. La case présidentielle sera de Antigone et sur Phil FM jusqu'à... On verra. Peut-être avant 22h, parce que là, si Emmanuel Macron s'exprime d'ici une demi-heure, ce sera pas forcément la peine d'épiloguer toute la nuit. Bien, voilà. On est d'accord. Donc je vous rappelle les chiffres, donc la BFM parle maintenant de 58% pour Emmanuel Macron et donc de 42% pour Marine Le Pen en suffrage exprimé et recevable. Et justement Enzo, vu que tu es chaud pour le jingle, ce serait peut-être même l'heure maintenant de passer un petit top horaire car il est l'heure, une nouvelle heure. La radio à vif. Fin du nouvel actuel, 2 heures d'informations en direct et en non-stop sur Radio Antigone et FM, il est pratiquement 20h30. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. La case présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. 20h, pratiquement 30 minutes, toujours en direct, alors que Philippe Ballard est en train de s'agacer sur BFM TV face à Manuel Bompard de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Marine Le Pen, candidate RN battue au second tour, a d'ailleurs eu Emmanuel Macron il y a quelques minutes au téléphone pour concéder sa défaite, ce qui est fortement logique, vu que... C'est très rapide, d'ailleurs. Oui, ce fut très rapide, effectivement. Marine Le Pen s'exprime extrêmement rapidement ce soir. On n'a pas eu à la tournure. Oui, c'est vrai qu'on a été pris de court, littéralement. Bon, après, est-ce que c'est forcément un mal en fonctionnement? Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire, comme dirait l'adage. Peut-être noter cette image qui a été diffusée tout à l'heure, aux alentours de 20h10. Cette image de Marine Le Pen, consolée, littéralement consolée par sa sœur Marie-Caroline. Une image peut-être marquante pour ce second tour. Oui, toujours dans l'esprit dédiabolisé aussi. Oui, toujours la dédiabolisation, mais c'est vrai que Marine Le Pen y croyait. Alors, c'est pas une image fournie par Marine Le Pen, hein. C'est une image BFM TV qui espionne par le balcon le QG de Marine Le Pen. Bon, qui les arrange bien, voilà. Parce qu'ils pourraient savoir se considérer filmés et donc le faire. Après, oui, ça montre peut-être un peu plus de naturel. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu sors sur un balcon qui donne sur la voie publique, et que tu es candidat à la présidentielle et que tu as les résultats, tu viens de les avoir, tu sais très bien qu'il va y avoir effectivement possibilité d'être paparazzé. Et donc, nous avons toujours Fabien Roussel que nous pourrons écouter. Je vous proposerai également une réaction de la part d'une porte-parole, de la porte-parole de Marine Le Pen, Laure Lavalette, que nous pourrons écouter tout à l'heure, qui était également sur RTL et qui a réagi à cette défaite. Vous allez voir, elle relativise un petit peu. Effectivement, Enzo, et alors, j'essaie de regarder ce qu'il y a sur l'automate. J'aurais bien passé une petite musique, mais je ne sais pas si elle a déjà été diffusée ou pas, Green Day. Non, si elle est là, on l'a pas diffusée. Voilà. Très bien. Eh bien, moi, je vous propose sur Radio Antigone et sur Phil FM à 20h, passé de 31 minutes. American High Doit, un tube de Green Day. Belle soirée, c'est la case électorale jusqu'à 22h. C'était American Idol, à l'instant sur Phil FM et sur Radio Antigone dans la case électorale. Radio Antigone, Phil FM, la case présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Et merci de votre confiance et de votre fidélité ce soir à 20h35. En direct alors qu'il y a Elisabeth Borne qui est en train de s'exprimer, parce que je ne sais pas où, mais elle s'exprime. Elle s'exprime. Bruce Toussaint est au champ de Mars pour BFM, c'est la teuf, voilà, tout va bien. Bon, la vie est belle. Et Adam, tu avais des résultats beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinents à nous proposer, Adam. Alors oui, puisque comme la dernière fois, comme il y a 2 semaines, les résultats arrivent doucement, région par région, au fil des dépouillements. Là, on parle bien de résultats officiels, confirmés par le ministère de l'Intérieur, et pas d'estimation des instituts de sondage pour en rester là. Alors, côté résultats, pour l'instant, on a les Outre-mer, à l'exception de la Réunion et de Mayotte. Les résultats mettraient pour l'instant, en fait, dans les Outre-mer, si on écoute simplement les Outre-mer, ils mettaient Marine Le Pen en tête avec 57,16% des voix, contre 42,84% des voix pour Emmanuel Macron. A noter aussi un taux d'abstention très fort dans les Outre-mer à 57,15%, et le résultat est d'autant plus étonnant que les Outre-mer avaient mis Jean-Luc Mélenchon largement en tête il y a 2 semaines. Oui, c'est étonnant. C'est vrai, Adam. Et d'ailleurs, blague à part, l'anecdote, il y a le pseudo-journaliste Taboufas qui se présente sur les listes de Jean-Luc Mélenchon juin prochain. Il met une photo d'Emmanuel Macron avec marqué Macron démission. Voilà, c'est super, ça va tout à fait faire avancer. Bah, il vient à peine, il n'est même pas encore investi, ça se calme. C'est encore quelque chose qui va faire avancer le débat politique d'une manière consternante. Ah, clairement, oui. Voilà. Donc, on en parle là, on n'en parle pas après. Ça ne sert à rien de faire du bruit aux gens qui brassent de l'air. sur Radio Antigone, il est 20h37. Et Enzo, je crois que nous avions une réaction du côté du Rassemblement National. Oui, une réaction du côté du Rassemblement National avant d'écouter Fabien Roussel. Réaction de la porte-parole, de Marine Le Pen, qui réagit aux 42% de gens qui ont voté pour sa candidate. Publié au surlendemain du premier tour. Et c'est pas le bon extrait, mais c'est pas grave, je vais l'avoir le bon extrait, puisque figurez-vous qu'il est là, il est proche, et il est là, on écoute donc Laure Lavalette. Large défaite, 42% quand on est tout seul face aux 15 jours qu'on vient de passer d'une brutalité sans nom, la haine étant du côté du camp du bien, c'est pas une défaite. Moi je veux dire aux 42% des gens qui ont voté pour nous que c'est un espoir énorme qui se lève, et qu'effectivement maintenant on va partir dans la bataille des législatives, et que nous ne laisserons pas Emmanuel Macron avoir les pleins pouvoirs. Évidemment, 42% tout seul. Et je remercie vraiment ces Français qui n'ont pas cédé à la peur. Et effectivement, le nombre de députés feront qu'on l'empêchera de faire passer sa retraite à 65 ans, d'avoir cette casse sociale, toujours plus de saignées fiscales. Non, il y a encore... Tout commence ce soir. Laure Lavalette, la porte-parole de Marine Le Pen, qui était au micro d'RTL il y a quelques minutes. Et pour qui tout va bien, en quelque sorte, à l'entendre. Hein, voilà, tout va bien. Oui, oui. Et Édouard Philippe arrive d'ailleurs sur le champ de Mars, où on sent qu'il a toujours eu un fan club incroyable, Édouard Philippe. C'est déjà que c'est la teuf au champ de Mars, mais alors là, t'as Édouard Philippe qui se ramène, tout le monde prend des selfies, voilà. C'est presque un bain de foule pour l'ancien Premier ministre, et toujours merde. On va peut-être s'écouter Fabien Roussel, c'est ça? J'ai envie de dire quelque chose qui est peut-être une folie, mais... J'ai envie de dire quelque chose qui est peut-être une folie, mais Édouard Philippe, ancien Premier ministre, et pourquoi pas futur Premier ministre de ce nouveau mandat. Tout est possible. Tout est possible, après, on sait que... Il lance un nouveau mandat. C'est la question qui va se poser dans les prochains jours. Qui va être au gouvernement, au nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron? Éventuellement, là, à l'heure actuelle, de ce que l'on sait, Emmanuel Macron aimerait ouvrir son gouvernement, donc peut-être soit une ministre femme, soit un premier ministre écologiste. Donc tout dépend après de la trésor que voudra prendre Emmanuel Macron. Après, on sait qu'Edouard Philippe est quand même l'homme politique le plus populaire de France. Et on sait pertinemment que si c'était présenté cette année face à Emmanuel Macron, n'aurait même pas eu la moindre chance de passer. Vous écoutez Radio Antigone et Philippe. Mais c'est peut-être une stratégie d'Edouard Philippe qui va se présenter très sûrement en 2027. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, surtout pas accepter le poste de premier ministre au risque de se compromettre. Au risque de se cramer. Ça pourrait être un piège pour Emmanuel Macron. En sachant que ça m'étonnerait qu'il accepte, étant donné qu'il a quand même créé son propre mouvement, il me semble, très, très récemment. Oui. En restant dans la lignée d'En Marche, mais un petit peu à part quand même, puis, ça paraît peu probable. On se rappelle qu'il avait démissionné de ce poste de premier ministre. Oui. Et Jean Castex, il peut totalement rester, hein, rien ne l'empêche. Après, voilà, comme ce que je disais, Emmanuel Macron voudrait... Jean Castex, c'est pas très populaire, il me semble. Jean Castex n'est pas doté d'une grande popularité, n'a pas le profil que cherche Emmanuel Macron, quelqu'un qui est peut-être plus de gauche, plus écolo, et simplement n'est pas une femme. Donc forcément, compliqué. Peut-être Fabien Roussel ? On écoute Fabien Roussel, effectivement. C'était tout à l'heure, peu après 20h, il s'est exprimé pendant 5 minutes. Il n'a pas été beaucoup relayé, mais je vous propose de l'écouter. Voilà, il a mis du temps un peu avant de parler. Mais il va parler. Hein. Vous entendez le petit bruit de fond et les feuilles ? On y croit. Mes chers amis, mes chers camarades, mesdames et messieurs, ce soir, le pire a été évité à France. Grâce à la mobilisation de millions de nos compatriotes, la représentante de l'extrême droite ne pourra pas, à l'Élysée, perpétrer le coup de force institutionnel qu'elle envisageait pour disloquer la République. Elle ne pourra pas installer un pouvoir autoritaire mettant en pièces nos principales conquêtes démocratiques, autant que les droits sociaux chèrement conquis par notre peuple. Dans la clarté politique, sans illusion sur le projet d'Emmanuel Macron, nous avons clairement participé à ce résultat. Mais la bataille n'est pour autant pas achevée, loin de là. Car la représentante de l'extrême droite française a recueilli 42% des voix, un résultat sans précédent depuis la libération. Une lourde menace pèse sur notre démocratie et la victoire d'Emmanuel Macron ne peut pas l'évacuer. Quand 42% de nos concitoyens utilisent le bulletin de vote de celle qui propose un référendum sur le voile, l'immigration, avec la volonté de créer ce qui n'existe dans nul autre pays au monde, un régime ségrégationniste en fonction de ses origines et de sa religion, c'est grave. Et quand 30% d'abstention en plus font le choix, 30% des électeurs font le choix de s'abstenir en prenant le risque de son élection, nous mesurons à quel point l'extrême droite et ses idées se sont banalisées dans notre pays. Le président sortant, s'il est réélu aujourd'hui, il l'est uniquement à la faveur d'un rejet de la représentante de l'extrême droite. Il ne doit pas considérer que ce résultat exprime un soutien à sa politique. Nous devons donc maintenant le battre et battre sa politique aux élections législatives les 12 et 19 juin prochains. C'est tout l'enjeu des semaines à venir. Oui, nous avons évité le pire et maintenant construisons le meilleur. Les Français, le monde du travail, la jeunesse ont besoin d'une perspective d'espoir. Ils ont besoin de réformes heureuses, positives. Ils ont besoin d'entendre que les salaires et les pensions vont augmenter fortement dès le 1er juillet. Ils ont besoin de services publics partout et pour tous. Ils attendent qu'on mette enfin les formidables richesses que nous avons au service de l'emploi, de meilleures conditions de travail, au service de la transition écologique. Pour mettre en œuvre de telles réformes, nous aurons besoin d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, une majorité. Et nous allons aller retrouver Éric Zemmour qui s'exprime actuellement. C'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser, dès le soir du premier tour, à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. Sommes-nous donc condamnés à perdre ? Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections ? Alors qu'une majorité de notre peuple souhaite ardemment que la France reste la France. Non, je veux dire ce soir qu'il n'y a pas de fatalité. Nous avons des raisons d'espérer. Notre parti, Reconquête, est fort de cette jeunesse, cette belle jeunesse militante et si enthousiaste. Notre parti Reconquête est fort de ses 122 000 adhérents et je remercie ceux qui continuent de nous rejoindre chaque jour. Il est fort de ses milliers de cadres partout en France, fort de ses talents, de sa créativité, de ses compétences. Nous serons donc à la pointe du combat pour lutter pied à pied contre l'œuvre de déconstruction de notre pays menée par Emmanuel Macron. Nous combattrons pour nos idées dans chaque ville et dans chaque village de France, sur Internet et dans les médias. Mais il ne peut y avoir de victoire électorale sans alliance entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, entre la France périphérique et les habitants des métropoles qui veulent continuer de vivre dans une France française. La situation politique d'aujourd'hui nous impose d'agir. Les élections législatives qui viennent en juin prochain voit déjà la constitution de deux grands blocs politiques autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Deux blocs, l'un macroniste, l'autre islamo-gauchiste. Deux blocs qui s'organisent, se rassemblent et s'apprêtent à s'affronter dans un match qui n'aura à coup sûr qu'un seul perdant, la France. Le camp national serait-il donc le seul à ne pas être capable de s'unir ? Voulons-nous donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ? Je ne le veux pas. Nous sommes des millions à ne pas le vouloir. Le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler. Notre responsabilité est immense. C'est pour cela que j'appelle à l'Union nationale en vue des législatives. Nous devons oublier nos querelles et unir nos forces. C'est possible, c'est indispensable, c'est notre devoir. Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de Reconquête, du Rassemblement national, de Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron est une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine Assemblée. Notre coalition n'est pas une option, elle est une nécessité, elle est un devoir. Nous avons un pays à reconquérir. L'union fait la force, notre coalition doit faire la France. Vive la République et surtout, surtout, vive la France. Je pense que sa déclaration finale veut tout dire. Les derniers mots veulent tout dire sur lui, sur son programme. Ouais, Éric Zemmour, donc, arrivé quatrième au premier tour de la présidentielle, candidat à Reconquête. Avec il a seulement dit, 7% des voix. Ouais, c'est ça. Et il y avait sûrement eu un bingo de mots parce qu'il a dû dire à peu près 230 fois islamo-gauchiste en l'espace de 5 minutes. C'est vrai que, comme dirait l'adage, il pue le seum. Il est 20h49 avant de retrouver un son que nous a concocté Enzo avec toute sa qualité, ses doigts de fée. Ah donc, tu voulais reprendre la parole concernant les bureaux de vote à Blois sur Radio Antigone et Phil FM. Ah non. Oui, le dépouillement est en cours actuellement à l'hôtel de ville de Blois. Et une petite anecdote qui n'est pas tant une anecdote que ça. D'après le journaliste de la Nouvelle République présent sur place, les votes blancs et nuls sont nombreux à Blois. À Bourges, on n'a pas encore d'informations sur Bourges. Oui, on n'a pas eu le temps de le chercher car voilà. Hein. Ouais, on sent que je suis un peu fatigué. Puis le printemps de Bourges, je vous rappelle, il n'y a pas plus tard qu'il s'est terminé cette nuit. Effectivement, la fatigue est encore présente, mais en tout cas, pardon. Ça va aller, t'inquiète pas. À l'image de cette campagne électorale, littéralement. À l'image de cette campagne électorale. Si ça y est, j'ai des petits résultats sur le Cher, notamment dans certains villages du nord du Cher, du département du Cher, où c'est Marine Le Pen qui est donc en tête. Un élu de la mairie de Bourges et de la communauté d'agglomération, Jean-Michel Guérino, qui est du parti communiste, vient de faire une déclaration que je vais vous faire rapidement. Je cite, je me félicite de ce résultat, j'avais appelé à ne pas laisser d'espace à Marine Le Pen, le résultat est là. Je note cependant, le score est extrêmement haut, cela nous place devant une véritable question, j'appelle au rassemblement de toutes les forces de gauche et des écologistes pour les législatives, pour pouvoir peser, obtenir une majorité qui nous permettrait de mettre en œuvre une autre politique que celle menée par Emmanuel Macron, mon cher Enzo. Merci beaucoup Antoine. Et juste à la fin du bed, que c'est beau. T'as vu ce sens du timing? Ah ouais, là, le sens du timing. Ça a été pareil tout à l'heure, je crois, au tout début de l'émission. Oui, oui. Vous voulez donc, je suppose, écouter Christian Jacob, c'est ça? Alors, Christian Jacob, qui était sur France 2 au micro d'Anne-Sophie Lapix et de Laurent Delahousse, et qui a donc réagi, fait un petit débriefing de cette élection présidentielle. Et pour lui, il y a clairement eu un vote de désespérance comme jamais auparavant. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Nous avons assisté à une élection, la démocratie s'est exprimée clairement dans un contexte particulier, celui du Covid, celui de la guerre en Ukraine, celui aussi qu'Emmanuel Macron a voulu mettre en place. Il voulait à tout prix avoir ce face-à-face à nouveau avec Marine Le Pen parce que c'était pour lui l'assurance de gagner. Il a tout fait pour cela. Donc à partir de là, quand on regarde les choses de près, jamais il n'y a eu un tel vote de désespérance en France. Jamais. Si vous additionnez les voix qui se sont portées sur les extrêmes, c'est un cri d'alerte, c'est un vote de désespérance. Et pourquoi on arrive à ce vote de désespérance? Eh bien, tout simplement, c'est le résultat de l'action de la majorité parlementaire d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. Vous le croyez profondément, au fond de vous, que aujourd'hui, les fractures au sein de la société française datent d'il y a 5 ans et que le seul responsable, c'est Emmanuel Macron? Elles se sont largement amplifiées. Jamais, d'ailleurs, le résultat des extrêmes a été à ce niveau en France. Jamais. C'est sous Emmanuel Macron que ça l'est. Ça l'est parce que on a eu une explosion de la dépense publique, on a eu une explosion de la violence et de la précarité. 9 millions de Français qui sont en situation de précarité aujourd'hui. Mais si les Républicains avaient fait plus, peut-être, au premier tour... Bien évidemment, on a raté... Il y a une part de responsabilité mais aussi. Bien évidemment. Il fallait ouvrir la mâchoire entre les extrêmes d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. On n'a pas réussi à la présidentielle. Il y a le débat aujourd'hui qui s'ouvre sur les élections législatives. Et là, à la différence des candidats et de la majorité d'Emmanuel Macron, on a bien vu qu'il n'y avait aucun ancrage territorial. On avait des parlementaires que... parfois de manière ironique, ont été baptisés Playmobil parce que ils étaient le petit doigt sous la couture du pantalon à voter à chaque fois qu'on le demandait. Simplement, nous avons aujourd'hui des élus qui ont cet ancrage sur le terrain. Et le gouvernement et la majorité présidentielle, faut pas l'oublier, elle a été très durement et très violemment sanctionnée au moment des élections locales. Et donc, c'est à partir de là que l'on veut rebondir par des élus ancrés sur le terrain pour les élections législatives. Candidat. C'était donc, j'ai oublié son nom, bah mince. Christian Jacob du parti Les Républicains à l'instant sur Christian Jacob qui s'exprimait chez nos camarades de France 2 alors que ça y est, BFM et les autres médias nous refont une Benoît Duquesne en 95, les motos, les cadrages à chier. Bref, c'est reparti, ça faisait longtemps la course poursuite envers Emmanuel Macron. Ou comment remplir du temps d'antenne n'a rien faire, c'est-à-dire que là, ils ont carrément sorti un synthé moto BFM TV suivi d'Emmanuel Macron. Okay. C'est super intéressant. C'est... Donc là, en fait, il y a réellement BFM, parce que là, les images sont en direct, je les ai devant moi. Ils sont vraiment en train mais de France Info aussi, mais France Info. France Info aussi. Parce que. Ah, il y a même le son carrément. Mais France Info, eux, ils sont en train d'interviewer quelqu'un en même temps. Mais là, ils ont coupé toutes les images BFM pour suivre les motos. Ah, attention, Emmanuel Macron tourne à droite. Est-ce que c'est un signe pour son futur quinquennat? Bah, Emmanuel Macron est passé au feu vert il n'y a pas longtemps, tu sais. Donc ça peut être aussi. Est-ce qu'il est rentré à l'Elysée, là, J'ai l'impression. Emmanuel Macron. C'est ce que j'ai cru voir. Ou alors c'était tout simplement le convoi de la voiture vide qui était suivi depuis tout à l'heure pour venir chercher Emmanuel Macron à l'Elysée. Ce qui n'est pas impossible. Mais alors, ce qui est bien, c'est que ce qu'on dénonce, on est en train de le commenter. Vous voulez peut-être faire un petit tour mais des régions. Mais c'est passionnant aussi. Ça pourrait être bien. Ouais, un petit tour des régions. Est-ce qu'on se dit qu'on se le fait à 21h, peut-être, le temps d'être bien, de se mettre bah, au clair écoute, ça, on a une heure pile. Oui, carrément. On a le temps de se passer de musique qui dure pile le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme. Si je t'ai mis quelque chose en haut qui dure pile le temps. Alors attends, ne bouge pas Enzo, car là je ne suis pas en visuel actuellement. Mais j'arrive tout de suite. C'est quoi Mac Miller. Oui, comme tu veux. On l'a pas déjà écouté tout à l'heure? Il me semble pas. Adam? Non. Eh bien, écoutons Mac Miller avec Blue World. Ce sera peut-être le ton que donnera Emmanuel Macron à partir de demain matin pour son nouveau gouvernement. Vous écoutez la case électorale, la case moto, la case Macron. Ce que vous voulez, c'est la case jusqu'à 22h avec Enzo, Adam et la mouffe au micro. Belle soirée sera donc pour les filles FM. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days, we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line, shit I always shine. Even when it light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. It's a flex, just a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well this mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Oula, même le top horaire, il fait de la moto. Il fait une belle soirée sur la radio à vif. Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. La caisse présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Antoine Ricard, avec vous jusqu'à 4h du matin en ressenti, 22h en réalité, avec Enzo Romano et Adam Le Fur qui sont toujours là. Bonjour. Désolé pour le temporaire qui s'est oublié tout seul. Disons qu'il a vu la tête de Marie-Claire, il s'est dit, était frérot, c'est bon. Mais à l'antenne, tout le monde l'a entendu prêt. Normalement, donc je sais pas. Ah bon, on est en train de se taper un fou rire tout seul. Oui, ouais, oui. C'est pas grave, il est donc 21h sur Phil FM et sur Radio Antigone. Merci d'avoir choisi notre travail et notre antenne pour passer cette soirée électorale, la case électorale avec nous en direct jusqu'à 22h. Et puis jusqu'au bout de la nuit chez nos amis de France Info, de RTL, j'allais dire Sud Radio, mais non, faut pas déconner, alors que le DJ au Champ de Mars, c'est chaud patate, il est en train de faire bouger la France entière, c'est une dinguerie, j'aimerais tellement pas y être et retourner au Printemps de Bourges, bref, c'est pas grave. Il y a donc eu presque 49 millions de Français qui ont été appelés à voter en ce dimanche soir, à être devant un quadruple choix. Macron, Le Pen, Blanc, abstention, et bien finalement c'est Emmanuel Macron qu'ils ont choisi avec plus de 58% des suffrages exprimés selon BFM TV. L'un des plus mauvais scores pour une réélection au second tour, surtout face à un parti d'extrême droite. Éric Zemmour, on le parlait tout à l'heure, c'est la 8e fois que la marque Le Pen se casse la gueule. Peut-être est-ce aussi le signe que la France n'est pas un pays d'extrême droite, n'en déplaise aux fascistes et aux petits nazillons. Quelle belle neutralité. Oui, écoute, c'est quelqu'un qui était adhérent au Rassemblement National, Robert Ménard, qui disait qu'il y avait des nazis parmi les rangs de Le Pen et Zemmour. Que moi, je ne fais que reprendre certains propos, tu sais. Ce n'était pas une critique, ne t'inquiète pas. Mais voilà, donc Emmanuel Macron. Il va y avoir un fight là sur le plateau. On fait le débat d'entre deux tours. Non, pas du tout. Non, mais toujours la moto. Je suis une camarade de BFM TV, donc il y a peut-être un peu d'hybride de moto derrière nous là. Ah. Un petit bruit de moto. Tu veux le petit bruit de moto, oui. Ah bah oui. Ah, il est coupé. Attends. Voilà. Donc ça, c'est BFM TV en direct, presque. Hein. C'est pas mal, hein. Pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. J'adore. Il y a le feu rouge, mais là, tout le monde s'en tape des feux rouges. Visiblement. Oui. J'ai pas de bruitage de feu rouge encore, tu vois. Non, mais peut-être des bruitages de klaxon, peut-être. Ah bah si tu me laisses, si tu patientes un peu, ouais. Oui, je peux pas tout faire. Il n'y a pas de souci. Alors que les résultats régionaux commencent à tomber, hein. J'ai des résultats que j'avais pas il y a encore 1 minute 30 que j'arrive à maintenant avoir. Effectivement, mais là, petite information complètement différente en dehors de la politique à Issoudun. Il y a quelques minutes de ça, un grave accident qui s'est passé en centre-ville. Un mineur serait grièvement blessé, donc ça s'est passé il y a moins d'une heure de ça dans la rue des Bons Enfants à Issoudun, donc à quelques kilomètres de Bourges. Plusieurs ambulances sont sur place, le SAMU est également sur place, voilà. Pas plus d'informations pour l'instant, mais voilà, grave accident à Issoudun ce soir, impliquant notamment un mineur qui serait dans un état extrêmement grave. Voilà pour cette information qui vient de tomber à l'instant, une petite dépêche des familles. D'ailleurs, tant qu'on y est, petit résultat peut-être effectivement en Touraine, ou notamment à Villandry, Emmanuel Macron, comme à Pernay ou à Truy, Emmanuel Macron qui a donc été préféré à Marine Le Pen, ainsi que dans le secteur de Chinon ou même d'Amboise pour l'instant. Alors que nos camarades de la Nouvelle République, qui suivent donc évidemment ce scrutin et ce dépouillement, ont trouvé et ont pris en photo, donc à retrouver sur le compte Twitter de la NR-8 Amboise, un peu d'amour pour ce second tour avec un cœur dans un bulletin de vote, un joli petit cœur. Un peu de douceur ne fait jamais de mal, comme vous le savez, messieurs. Et figurez-vous pendant que j'ai trouvé... ça s'amuse du côté de Macron. Ouais, ça s'amuse si bien que même le flux radio de France Info a mis l'image, voilà, est passé sur le flux de la réalisation avec le petit synthé jaune, la totale, on a plus le plateau, voilà. Ah là là. Ouais. Et comme sur les matchs de foot, ça fait des sourires quand ça se voit sur les écrans géants. À Tours pour l'instant, dernière mise à jour à 21h02, Macron aurait 71,99% des voix et Marine Le Pen un peu plus de 28% des voix dans la ville de Tours. Donc, messieurs. Ok, ok. J'ai ce fameux bruitage que tu voulais. Ah. Voilà, il est là. Donc ça, faudrait le mettre avec, du coup, le... Eh, mais c'est le bruitage qui est utilisé dans le bed infotrafic de Phil FM. Bon, bah... Eh ben, vous voyons jamais vu ça, que parfois, là, on s'y croit, là. Là, on s'y croit. Direct nature. 21h06, même sur Phil FM et sur Radio Antigone. Et effectivement, c'est lors du point infotrafic. On attend toujours Emmanuel Macron, hein, quand même. Alors que son DJ temps. Est en train de se faire kiffer, ça a l'air d'être aussi de la merde que David Guetta, mais le gars n'a même pas de casque, donc je n'ose même pas imaginer. Alors, c'est incroyable. It's so incredible, yes, le public est en furie, c'est de la dinguerie, enfin, en furie et paradoxalement, non. Donc c'est bizarre, ça fait l'air d'être rendu la grosse teuf de l'enfer. Voilà. Voilà, et voilà. D'autres déclarations à suivre, je suis en train de vous préparer quelques déclarations, notamment de membres du gouvernement qui sont sur le champ de Mars et qui ont l'air de bien s'amuser. Vous entendrez en fond, du coup, l'ambiance du champ de Mars actuellement. Donc, est-ce qu'on aura des coups de klaxon ? Vous aurez... Non, je pense pas, mais je peux vous en mettre pendant l'interview. Ah oui. Non, bah je oui. respecterai quand même. Bah, le respect, tu sais, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça par ici. Est-ce que... Ça ferait pas. Parce que là, bon, Emmanuel Macron est en train de faire tutut. Est-ce qu'on se ferait pas un petit Juliette Armanet pour la route, mon cher Enzo ? Oh bah, pourquoi pas ? Allez. C'est pas mal, Juliette Armanet avec son tube. Le jour du disco, Juliette Armanet, qu'on a interviewé au Printemps de Bourges, et vous allez retrouver ça très très vite sur notre antenne. Évidemment, le dernier jour du disco, Juliette Armanet, tout de suite sur Phil FM et sur Radio Antigone. Belle soirée, il est 21h09. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens, le dernier jour du disco, Vous écoutez Radio Antigone et Phil FM, il est 21h12. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas de retour casque actuellement, donc c'est un petit peu embêtant. Je ne sais pas si un jingle ou pas. Mais ce n'est pas grave, nous sommes toujours en... Nous sommes à l'antenne, je ne sais pas. Nous sommes à l'antenne, vas-y, vas-y. J'avais, vous n'aviez juste plus la musique dans le retour, voilà. Oui, ce qui est embêtant, parce que là, je me référais au cartoucheur qui est devant moi. Il n'y a rien qui va ce soir, il est 21h12, presque 13, bientôt 15, mais pas encore la nuit. Et toujours pas d'Emmanuel Macron à l'horizon. Et toujours pas d'Emmanuel Macron à l'horizon. Adam, est-ce que tu as envie de voir Emmanuel Macron? Adam ne... Voilà. Bon, la réponse est assez voilà. Explicite. du coup, pareil qu'il y a Bruno Le Maire qui est en... Quoi parler. On m'a appelé. Bonjour Adam. Est-ce que tu as envie d'écouter Bruno Le Maire? Bonjour. On m'a... C'est qu'on m'a parlé ou... Oui, oui. Oh, j'en sais rien, je... Eh bien, on n'écoute pas Bruno Le Maire, alors. Par contre, Enzo, tu nous proposes Barbara Pompili en duplex ? Oui, Barbara Pompili qui était interviewée au Champ de Mars sur France 2. Je vous propose de l'écouter. Elle, voici son état d'esprit à la suite de ce résultat, alors que Jean Castex est également au Champ de Mars. L'état d'esprit de Barbara Pompili, donc. Nous avons assisté à une élection, la démocratie s'est exprimée. Ça, c'est voilà. Pas Barbara Pompili. Donc, je vais Barbara essayer de mettre Barbara Pompili, ça serait bien, parce qu'une voix d'homme pour Barbara Pompili, ça ne le fait pas. Voilà. Barbara Pompili, donc, que je devrais vous avoir dans un instant. Voici tout de suite Barbara Pompili. Je suis soulagée. Les Français ont pris leurs responsabilités et je les en remercie. On avait besoin d'avoir ce score relativement important qui nous permette de partir sereinement vers l'avenir. Maintenant, on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui a voté pour Marine Le Pen. On a beaucoup d'abstentions et donc on doit l'entendre. Je crois que ça nous responsabilise encore plus pour mieux concerter, pour faire que tous les projets qui vont être menés dans le prochain quinquennat soient menés avec un esprit d'aller voir sur le terrain et d'écouter et de construire du terrain. Emmanuel Macron, lors de sa soirée du premier tour, avait dit « plus rien ne sera comme avant ». Est-ce qu'il vous attend à ce qu'il redise ça, et concrètement ça veut dire quoi? Bah écoutez, un second mandat c'est un second souffle, donc j'espère bien qu'il va continuer les réformes qu'il a commencées, mais notamment sur la transition écologique, il a eu des messages très forts pendant l'entre-deux-tours pour une construction très importante avec le Premier ministre qui sera chargé de ces questions-là. Si sur ce sujet-là, qui est le sujet d'avenir, il donne un souffle qui nous permette d'aller très loin, ce sera très bon pour notre pays et pour nos enfants. Et pour ça, il faut évidemment qu'à partir de demain, on se lance dans la bataille des législatives pour donner une majorité au président pour qu'il puisse agir. Voilà, là, rien n'est joué, le plus dur commence, c'est ça, les législatives. Ah bah voilà. Merci ouais. À vous Barbara Pompili. Je peux vous dire qu'ici, il y a une espèce d'ambiance de boîte de nuit, il y a du DJ, une musique de DJ qui résonne, des ministres qui dansent et on attend bientôt le Premier ministre et évidemment Emmanuel Macron qui devrait arriver vers 21h. Voilà, je n'ai malheureusement pas le nom de la journaliste qui interviewait Barbara Pompili. Valérie Astruc. De la transition écologique. On entendait bien l'ambiance discothèque derrière. Se zoom sur une oreille. Laurent Delahousse qui n'y a pas manqué d'ailleurs et qui a bien réagi à cette ambiance discothèque derrière, Antoine. Oui, et c'était... On vient d'avoir un joli zoom oreille sur France Info Canal 27. Gros plan sur l'oreille de Jean Castex. Française. On s'en fout, Canal 27 de la TNT, évidemment, comme son petit nom l'indique. Précise, voilà, tout à fait. Vous écoutez Radio Antigone et Phil FM, il est un peu plus de 1h15. Et effectivement, Enzo, moi non plus, je n'y arrive pas. Donc, voilà. Tu n'y arrives pas à quoi ? Comme Doug que l'on salue. Ah. Voilà. Donc je pense qu'il y a un souci. Mais du coup, tout le monde nous écoute sur Phil FM. Eh bien, bienvenue que sur Phil FM. Donc, j'espère que vous allez bien. Antoine de l'Afterwork. Écoutez, l'Afterwork, c'est l'After. Et puis Enzo de la case du week-end, du coup, qui est censé être diffusé sur Radio Antigone aussi. Oui, bon, non, mais en fait, on vous a pas dit, Radio Antigone et Phil FM ont fusionné depuis quelques minutes, ça ne fait plus qu'une antenne. Et alors, par contre, je suis un petit peu ça de côté, je regarde un petit peu les signaux faibles, et là, il y en a un qui ne commence à plus être vraiment faible, ce sont des tensions en cours en ce moment dans le centre de Paris, à Châtelet-Léal, où des manifestants protestent contre l'élection d'Emmanuel Macron, qui crient, je cite, « Macron assassin ». Ambiance, voilà, donc échauffourée en cours, aux alentours, enfin c'est même carrément sous la canopée du Forum des Halles, dans le centre de Paris, qui est la plus grande gare souterraine du monde, d'ailleurs. Faut-il le signaler, messieurs ? Merci Antoine pour toutes ces informations. On suivra la situation en espérant que... Ah bah Xavier, il s'est barré. Ça, oh, se calme. Voilà. Et concernant la diffusion, je ne sais pas. Hein. Moi, je m'entends parfaitement sur radioantigone.fr. Bah, je vous entends parfaitement. Voilà. Donc, là, je ne sais pas quoi dire. Je peux essayer. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, moi, sur Firefox... sur mon ordinateur Mac, ça ne fonctionne pas. Je vais tester peut-être par un autre. Alors, peut-être un problème de certificat. Il y a eu une petite modification dernièrement. Mais ça me paraît étrange, voilà, puisque ça fonctionnait. Ça a été fait il y a deux jours. Donc, Ça ne fonctionne pas non plus de mon côté. Très bien. Alors là, je ne comprends rien du tout. Et ça ne fonctionne pas. Donc alors, à mon avis, pour les auditeurs déjà présents sur Radio Antigone, c'est bon, ça passe. Ah, mais moi, j'ai testé en actualisant. Pour ceux qui veulent nous rejoindre. Oui, mais toi, t'étais déjà présent avant le bug, sûrement. Non, j'ai réactualisé totalement et tout fonctionne. Ouais, bah je pense qu'il y a un souci plus profond que ça. Ça passe de mon côté. Donc, ouais. Faudrait que tu mettes le... On est toujours à l'antenne ou... On est toujours à l'antenne, totalement. Hein. Tout le monde, on entend très bien. C'est à l'antenne, voilà, il y a actuellement trois auditeurs, donc ouais. Mais j'ai cru qu'on avait balancé un truc, moi. Pas du tout. Voilà, ça c'est Radio Antigone. Bon, ben voilà, bienvenue sur Galère FM. Qui est le petit nom de Phil FM. Alors, BFM annonce un discours imminent du président. Non, c'est Radio Résonance, on avait dit. Pardon. Faut pas que je le dise à l'antenne. Bah, on va éviter, oui, parce qu'on est voisins quand même. Attaquer les voisins, c'est pas ouf. Hein. Voilà, est-ce qu'on écouterait pas un peu de musique? Peut-être il est 21h20 sur Radio Antigone et en simultané sur Phil FM. C'est bientôt la fin et ça se sent. Ouais, on sent que j'ai besoin de dormir. Là, on sent que j'ai besoin de pratiquer le sommeil d'une manière assez... On diffuse quelque chose? On fait quoi? Oui. Parce que je confirme qu'on a des auditeurs. Hein, je reçois des messages qui me disent ça fonctionne. Des messages des personnes qui ne sont pas du tout avec moi. Donc ça fonctionne normalement. Je vais essayer de voir pourquoi ça fonctionne. Balance quelque chose. Moi, faites quelque chose à la technique, s'il vous plaît. Renzo. Ne nous laissez pas ramer comme ça. Moi, je serais d'avis, vu que là, Emmanuel Macron ne parle pas et que Rachida Dati s'agace toute seule. On s'écoute un petit peu de musique, voilà, parce que là, c'est toujours le moment creux, alors que le sosie de Laurent Sénéchal arrive au Champ de Mars, Gabriel Attal. Je pense que tout le monde va se rejoindre au Champ de Mars. Alors, l'impératrice, oui, on aurait pu écouter au pause, mais très bien, avec le titre qui s'appelle Masque. 3 minutes 10 de bonheur, belle soirée sur Phil FM, et peut-être sur Radio Antigone, je ne sais pas. Oui, en oui. tout cas, si vous êtes là, merci d'être là. Ça fait plaisir. Thank you. vient de s'écouter à l'instant l'impératrice avec le titre Masque de l'excellentissime album Matari, album qui a maintenant quelques années de l'impératrice, un groupe qu'on adore et qui passe cet été à Terre du Son à Tours d'ailleurs, il est 21h25. Radio Antigone, Phil FM, la casse présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Merci d'être avec nous ce soir sur Radio Antigone et sur Phil FM, alors que Emmanuel Macron se fait toujours désirer. J'ai l'impression que la France s'appelle Brigitte maintenant. Ouf. C'est comme d'hab. C'est ouais, là c'est la fatigue, là c'est oh la vanne. Les gars, c'est pas tandis vous que France vous Info est de retour en mode moto. C'est l'heure de ressortir les motos et les klaxons. La moto. BFM TV. La moto. En mode moto. Il fait beaucoup de la voiture d'ailleurs, Emmanuel Macron. Je crois que c'est il a pas la à fenêtre l'antenne. Ouverte à je crois moitié. Que c'est pas à l'antenne, Enzo, les motos. La figure chiracienne, peut-être. Je crois que c'est pas à l'antenne, les motos. Elles sont à l'antenne, vous les avez juste pas. Si, si, bah, moi. Ah, d'accord. Mais si, mais on les a qu'à gauche. Mais peut-être une figure un peu chiracienne aussi. C'est difficile pour apprécier les motos. Adam va apprécier les motos. Ah, voilà. Ah, Emmanuel Macron qui fait coucou à la presse. C'est ce que j'ai dit il y a une minute. Ouais, oui, oui. Et c'est vraiment une figure chiracienne ce soir, tombée de la nuit. Mais il est en train de leur parler, qu'est-ce qu'il leur dit? Eh ben, on peut pas écouter, peut-être? C'est fini. Il n'y est plus, voilà. Donc je peux. Tu peux revenir en arrière? Difficilement, oui. Moi. Je peux me débrouiller pour avoir le flux France Info et revenir en arrière. Ça sera peut-être après l'annonce des premiers résultats régionaux. Peut-être qu'on peut se faire ça et on écoutera ça après le top horaire de 21h30. Ben, c'est une excellente idée. Okay. Donc, j'en attends jusque-là. Oui, oui. Ah, alors moi, je vais en décalage. Ça y est, on a toute la région. De BFM. Effectivement, figure chiracienne à bord de sa Citroën DS avec un autobus à côté de lui. Je crois que d'ailleurs, c'est une DS4 ou un DS7 Crossback dans lequel il est, là, je n'arrive pas à reconnaître. Je suis pas c'est vraiment spécialiste de voiture. C'est un DS7 Crossback hybride à écran noir et c'est reparti. Effectivement, c'est bien une DS Crossback. Bah, c'est la voiture présidentielle, d'ailleurs, qui va, voilà, pour mettre ses grandes guiboles de chef de l'État. Enzo, tu avais plein de résultats depuis 10h30. Oui, qui ont évolué depuis et ils sont beaucoup plus précis. Déjà, je peux vous dire que le ministère de l'Intérieur a donc publié les premiers résultats à l'échelle nationale. Et on est beaucoup plus serré que sur les estimations, hein, sur la base de 48% des électeurs inscrits au niveau dépouillement actuellement qui sont remontés au ministère, alors que Emmanuel Macron refait coucou au-dessus de la voiture. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui le regarde depuis les hélicoptères, mais voilà, il fait coucou au ciel en tout cas. Les résultats sont donc plus serré, je disais, puisque Emmanuel Macron n'est chiffré qu'à 51,79% des suffrages exprimés contre 48,21%, beaucoup plus serré, donc, de ce côté. Si on se penche du côté des régions, donc, commençons par l'Auvergne-Rhône-Alpes, Emmanuel Macron est donné vainqueur à 54,02% contre 45,98% pour Marine Le Pen. Du côté ensuite de la Nouvelle-Aquitaine, Emmanuel Macron 53,49%, 46,51% pour Marine Le Pen. C'est un peu plus serré, un peu moins serré, pardon. Du côté des Hauts-de-France, où Marine Le Pen est arrivée en tête, pour l'instant sur une base de 45% des électeurs inscrits, 55,94% pour Marine Le Pen contre 44,06% pour le candidat président. Du côté de la Normandie, on est à 51,07% pour Emmanuel Macron et 48,93%. Et pour terminer, par rapport à ce que j'ai sous la main, là, ah non, j'en ai encore deux. On a Marine Le Pen dans le Grand Est à 51,79%, Emmanuel Macron à 48,21%. Là aussi, assez serré. C'est également le cas et même beaucoup plus en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors ça vient de se desserrer un peu le temps que j'actualise. On est à 50,15% pour Emmanuel Macron contre 49,85% pour Marine Le Pen. C'était encore plus serré il y a deux minutes et tout à l'heure on avait une tendance inversée avec Marine Le Pen qui était légèrement devant. Mais donc sur les résultats qui remontent actuellement au ministère de l'Intérieur, on est sur une tendance beaucoup plus serrée que les estimations des instituts de sondage. Effectivement, alors que là, Emmanuel Macron arrive sur le champ de Mars. Il était grand temps. C'est-à-dire que s'il devait être là à 21h, le temps qu'il arrive, effectivement, j'aurais pu aller me faire cuire mes gnocchis, passer un coup de balai et faire les carreaux, mais c'est pas grave, vous écoutez Radio Antigone, il est fermé. Il est 21h30. Oh mince, le top horaire! J'ai peut-être été un peu trop présomptueux sur ce coup-là. Tout à fait, vas-y, on peut la refaire. Vas-y. Vous écoutez Radio Antigone et Fil FM, il est donc un peu plus de 21h29, mais pas encore complètement 30. La radio à vif. Et le top horaire qui refait des siennes dans nos oreilles, mais pour vous, amis auditeurs ou grand cœur, c'est pas le cas. Merci d'écouter Radio Antigone. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone, Fil FM. Zéro respect, là. La casse présidentielle. Bruit de moto, maintenant. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Et Emmanuel Macron. Vous écoutez Moto FM et Radio Moto, il est 21h30 ce soir. Alors qu'Emmanuel Macron, tout sourire évidemment, j'allais dire tout nu et tout bronzé, mais pas tout nu, non. Tout bronzé de son état, vient d'arriver sur le champ de Mars, d'ailleurs là où il est, j'ai déjà été. Et c'est là où il y a d'ailleurs de temps en temps des vendeurs à la sauvette de bouteilles d'eau. Voilà, donc là visiblement ils ne sont pas là ce soir. Comme c'est étonnant, avec un très joli T7 Crossback bleu nuit, finition Rivoli Plus, tour présidentielle de qualité pour Emmanuel Macron, il parle pas encore. Donc je vous rappelle peut-être le résultat d'Emmanuel Macron, 51,4%, selon Elab, pour BFM TV, SFR et RMC, donc Emmanuel Macron toujours président de la République pour un nouveau quinquennat, peut-être son dernier, on verra, on n'y est pas encore. Est-ce que le temps qu'il arrive, Enzo Adam, ça coûterait pas une petite musique oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu avais failli dire tout nu et tout bronzé. Bon, bah, du coup, j'étais obligé de faire ça. Tu as donc Carlos. Tout nu et tout bronzé. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, si tu veux, on peut se l'écouter en attendant Emmanuel Macron. Non, vraiment. Si, je dis oui. Bon, on l'écoute alors. Voici Carlos. Voici Carlos, tout nu, tout bronzé, 21h31 dans la case électorale. Oui. Tout nu et tout bronzé, pavillon. Nous tout nus, on ne pense plus au safari, fesses parties. On s'est bronzé pour être inquiet. Le bigorneau, quel boulot. Allez vacances, moi quand j'y pense ça me démange. Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau quand on vient l'été. Tout nu et tout bronzé, au soleil, sur le sable, sur les galets. Tout nu et tout bronzé, depuis la mer du Nord jusqu'au Voilà, on vient de s'écouter Carlos sur Radio Antigone et sur Philippe Fay, il est 21h35. C'est bien. Je pensais pas faire ce genre de débat un jour dans ma vie, comme quoi c'est pas qu'un rêve de gosse. Je suis quelqu'un très heureux ce soir déjà de vous retrouver avec vous, amis auditeurs, peut-être avec Enzo, oui. Qui est toujours là. Le club Dorothée qui parle derrière. Et là, il y a Emmanuel Macron qui s'approche du Champ de Mars avec Brigitte, et j'ai l'impression que c'est les choristes là. C'est genre, alors là, c'est le petit chanteur à la croix de bois. Il y a eu la fin de Carlos derrière, voilà. Ah, il y a eu la fin de Carlos. Bah, c'est ouais, il y a eu la fin de Carlos. Il y a même eu le générique du club Dorothée. Ah, bah, c'est bien. Ah. Vous voyez que c'était sous le avoir un petit jingle du coup là. Un petit jingle. Oui. Quelle version tu veux? Oui, en attendant que Macron arrive. Le tête. Plus long. Le plus long. Le plus long. Ce qui est long. On a le temps. Le plus long. Eh ben mettons le long. C'est parti. On y va. Radio Antigone. Phil FM. La casse présidentielle. Antoine Ricard, Adam Le Fur, Enzo. Et on évoque une étude passionnante publiée. Vous êtes sur Radio Antigone sur Phil FM, Enzo et je ne sais pas où. Nous avons un invité maintenant avec nous ce soir en attendant les petits chanteurs à la Croix de Bois avec leurs enseignants. Je vais parler bientôt, nous avons Doug. Bonsoir. Bonsoir à tous. Doug. Spécialiste de la politique normande, comment tu analyses ces résultats? On va dire que c'était un petit peu attendu. Hein. C'est peut-être pas un écart aussi important par rapport au sondage, il me semble, récent, mais on va dire que pas de surprise. Même si, pour le coup, les législatives seront intéressantes à suivre. Alors, c'est pas tout de suite, évidemment, mais... Il va falloir voir ce qui va se passer, justement, surtout après ce que Jean-Luc Mélenchon a annoncé. Il veut être élu Premier ministre. Ça annonce la couleur quand même de ses ambitions, c'est-à-dire de vouloir quand même court-circuiter la présidence de Emmanuel Macron. Va-t-il y arriver? C'est pas sûr. Alors que... Oui, oui. Pardon. On vient d'avoir une information qui nous est confirmée. Ouais. Une information qui nous est confirmée. À ce rythme, Macron devrait arriver demain matin à son pupitre pour le discours. Merci. Alors que là, on a eu un plan avec une grue ou un drone, j'ai l'impression que c'était une marche funèbre. Voilà. Non, mais on est en roue libre, là, clairement. Là, les gars, il est 21h37. Oui. Alors, tu vois, j'ai pas le Covid. C'est déjà bien. Alors, oui, là, du comblage, donc c'est intéressant. Voilà, donc j'ai pas. En fait, c'est que Macron, il prend son temps. Hein. Ah mais Macron, c'est vraiment pas le meilleur ami des programmateurs. Tout à fait. Ah bah là, c'était déjà le cas il y a 15 jours. TF1, ils finissent à quelle heure ce soir normalement? Oh, 23h, je crois. 22h10. 22h30. J'ai 22h30. 22h30, ils vont l'avoir un peu dans le cul, je pense. Pardon. Ça va être ouais. Vu que Q est une marque, il faut également dire Anus et Troupion. Voilà. Très bien, merci. Super. Mais peut-être que Troufion, il marque. Et encore aussi. Un peu tôt pour tout ça. À 22h30, oui, il y a Esprit Criminel sur TF1, donc qu'ils peuvent facilement déprogrammer. Voilà. Ça va être super avec Dupond-Moretti, Jean Castex et Roselyne Bachelot. Je croyais que c'était déjà Esprit Criminel, là, sur la une. Oh, Enzo, avec le retour du tragique sur le sol européen. Avec le... Pardon. C'était la même tranche, la tranche de la batterie est la même que celle de France 2, donc du coup, voilà. C'est là où il aurait fallu un petit jingle Yukio, tu vois. Mais je l'ai aussi. C'était bien. Vas-y. Quand tu veux. Cette émission, on n'a ni queue ni tête. On vient de perdre la queue et on a coupé la tête à l'instant, j'ai l'impression. Alors, on parlait de queue, bon, écoute, voilà, donc il y a dans le journal du Havre. Je savais que j'aurais pas dû dire ça, j'ai pensé que ça... Pendant mais ce temps, les résultats de la Lozère ont été confirmés pour revenir un petit peu sur le sujet. Quel sujet? Les résultats de la Lozère ont été confirmés. 54,2% pour Emmanuel Macron contre 45,80% pour Marine Le Pen. Du côté de la Réunion, Marine Le Pen arrive à 59% contre 40% pour Emmanuel Macron. Et puis 59% aussi en Mayotte, toujours contre 40% pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, peut-être rapidement un petit point coronavirus, alors que là, le pangolin est en train de s'exciter au Champ de Mars, vu que tout le monde se fait des bisous et se tape dans les mains. C'est génial, vive le coronavirus. Il y en a un qui va devoir bosser demain matin à la cellule Covid, c'est Bibi. Voilà. Non, il est en train de déclencher la prochaine vague, en fait. Ça dénonce dans cette émission, souvent même. En tout cas, la musique de choix, hein, évidemment. On n'oublie pas que... voilà. L'ode à la joie de Beethoven. Est-ce que tu peux le mettre, Enzo, en fond sonore, l'hymne à la joie de Beethoven? Est-ce qu'on a le son de... du chant de Mars, oui? Non, mais carrément, la musique... On joue avec les sons de moto depuis tout à l'heure. Vous avez bien sûr la 9e symphonie de... Voilà, de Ludwig, on va parler de Ludwig, oui. Ça va être bien. Je peux avoir, si vous me laissez un petit instant, histoire de la lancer proprement la meilleure qualité possible. Écoutez, ça n'a plus aucun sens ici. Tant qu'on y est, le rédacteur en chef de l'antenne reprend la parole, messieurs dames, merci. Tant qu'on y est, petit point printemps de Bourges, voilà. Qu'à vous à suivre toute la semaine à Twitter, encore un grand merci à toute l'équipe du Printemps de Bourges qui nous ont mis très très bien cette année, organisation top artiste super cool, notamment gros coup de cœur pour Jeanne Bonjour, petite inouïe bretonne, mais qui a vraiment un énorme talent et qu'il faudra suivre de très près et qui va rentrer évidemment en playlist Radio Antigone autant que faire se peut. Il est 21h41, presque 42 sur Radio Antigone et sur Fil FM. Premier mot du futur nouveau président de la République, merci à toutes et à tous. Voilà. Autant dire, ça commence, c'est vraiment un discours ça fort commence de fort. Sens. Ah oui, là, clairement, on a eu 5 ans de. Non, tais-toi, Antoine. Et si on parlait résultats? Non mais Adam, tu vas encore nous sortir la Lozère, ça nous intéresse pas. Il y a la Corse dont on n'a pas parlé tout à l'heure. La Corse, les résultats en Corse qui sont à l'inverse de tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. En Corse, je viens de les perdre à l'instant, hein, c'est super. On est avec 79%. Emmanuel Macron qui s'exprime, moi je vous propose qu'on y aille. Oh bah allons-y. Si j'arrive à mettre le son, j'arrive pas à mettre le son. Eh ben là, il monte sur la scène. Eh ben, c'est bien. Allez, voilà, on écoute. Ici, à Paris, et partout, à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après 5 années... de transformations, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Alors je veux remercier l'ensemble des militants, des volontaires, des compagnons de route et élus qui depuis le début m'accompagnent et ont rendu cette élection possible. Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Merci. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier, puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Ce projet, ce projet Je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun, et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors pour cela, il nous faudra être exigeants et ambitieux. Nous avons tant à faire. Et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France se doit de porter sa voix, de montrer la clarté de ses choix et de bâtir sa force dans tous les domaines. Et nous le ferons. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. Alors mes chers compatriotes, c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir à vos côtés aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Chacun d'entre nous y aura une responsabilité. Chacun d'entre nous aura à s'y engager, car chacun d'entre nous compte plus que lui-même. C'est ce qui fait du peuple français cette force singulière que j'aime si profondément, si intensément, et que je suis si fier de servir à nouveau. Donc Emmanuel Macron, l'ex-futur nouveau actuel président de la République française, élu avec quelques voix, effectivement, plus de 50% des voix, 58% des voix, selon l'estimation d'Ella Benzo, Doug et Nathan. Bonjour. Oh, bonsoir. Voilà. toujours là. Toujours. Une réaction peut-être par rapport à ça. Alors que des résultats sont de plus en plus confirmés. Oui. On a désormais la confirmation de du Lot, où Emmanuel Macron arrive en tête avec 59% des voix. Dans le Cantal, Emmanuel Macron arrive en tête avec 56% des voix. Dans la Lozère, ça on l'a déjà fait, c'est dans la Creuse, c'est nouveau ça. Dans la Creuse, Emmanuel Macron arrive avec 52% des voix. Et puis en Haute-Corse, Marine Le Pen arrive en tête avec 57% des voix. Du côté des données du ministère de l'Intérieur, pour 63% des bulletins qui sont remontés, on a des chiffres qui commencent à se rapprocher des instituts de sondage. 53,27% pour Emmanuel Macron et 46,73% pour Marine Le Pen. Et d'ailleurs, j'avais une interrogation concernant les cris qui étaient émis par les supporters d'Emmanuel Macron. Je crois qu'ils n'ont pas tous eu leur brevet des collèges. 1 et 1 et 2 et 3 et 50 plus, sauf qu'ils ont oublié le 4, c'est quand même un petit peu chagrinant. Ah, c'est même pire, ils disaient 1 et 2 et 50 plus, donc ils ont oublié. Non, ils ont oublié le 3 et le 4. Voilà, c'est ce que c'est ça, oui. Ah oui, il n'y a vraiment aucun respect. Voilà. Bah, c'est-à-dire que comparer une élection à, à une Coupe du Monde c'est de football, celle quand qui même, chante, on est arrivé là. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui chante. Il y a quelqu'un qui chante en effet actuellement. Alors, moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est que là, maintenant, le plus gros de la soirée est passé. Oui. On va s'écouter d'une petite musique avant de nous quitter. J'ai dit une petite musique. Petite, que veux-tu, cher ami? Je sais pas, il est 21h54. Donc, Virgin Radio, Plan Prevent des Flux, l'info du 19h20. Voilà! On est mieux. Tu veux. Il y a une 224 R parade. Dancing Queen. Non, mais Dancing Queen de ABBA, c'est bien. Ok. Eh bah, allez, on est parti. Et puis au pire, on va parler dessus à la fin. Voilà. C'est en fondu, donc c'est possible. Je trouve que c'est pas mal. Vous écoutez Radio Antigone du Fil FM, il est 21h50. Brigitte, elle est dégoûtée. Bah oui, elle se dit, et merde, je vais pas pouvoir retourner dans ma baraque, je suis reparti pour 50 plus, il va falloir que je divorce. Voici Abba dans la soirée électorale du Radio Antigone du Fil FM, bienvenue. Sur Radio Antigone, sur du ABBA. Non, mais tu peux laisser ABBA, c'est bien. Fracturé en deux, vous pensez pouvoir justement faire en sorte que cette fracture soit réduite? Mais je pense qu'on a tous la volonté. On a tous la volonté que les choses changent. Et là, peut-être maintenant. Je sais qu'on peut. Et je sais qu'on est extraordinaire. Dernière question, c'est historique. Un président reconduit. Un président reconduit hors cohabitation, c'est historique. Rentrer dans l'histoire, oui, de cette manière. Mais je suis tellement contente pour lui parce que j'ai vécu ces 5 ans et ces 5 ans de travail et 5 ans, il a une ambition pour la France. Je sais où il veut aller et il va tout faire pour y aller. Et j'espère qu'on va le comprendre, j'espère qu'on va le suivre. J'ai une immense confiance en lui. Merci à vous. Merci Madame Macron. Vous venez d'entendre Brigitte Macron, le président. Et oui, vous venez d'entendre Brigitte Macron. C'est vraiment de là-bas. Parce qu'on n'en a pas le plus de tout. Parce que c'est Grey de la danse, c'est Grey de la danse. Voilà. C'est Queen. Ah, je sais pas, je l'ai pas c'est vu sur le Dance Floor, Brigitte. On va peut-être te rappeler rapidement les résultats au national. C'est la Queen des lettres. Donc 58% comment pour les résultats. 58%. Ah oui. 58 contre 42. Attends, on était tellement sur Abba. On va peut-être mettre le bed pour le bed de clôture. C'est le cas, il est là. Oh, quel talent. Ah oui, parce que c'est déjà la fin. Pro, ce Enzo. Voilà, donc 58 combien pour Manu? 58-8 contre 41-2 pour Marine Le Pen. Et le numéro bonus, le 30. Et actuellement, selon les estimations, selon les remontées des bulletins de vote, on est à 53-31 contre 46-69 du côté du ministère de l'Intérieur. Voilà. La roulie consonne. Consonne. Voyelle. Merci de quoi faire ça. Au secours, OSKOR. Merci d'avoir été avec nous ce soir de 19h30 sur Radio Antigone sur Phil FM. On se retrouvera pour les législatives ou la semaine prochaine. C'est presque vexant là. Merci Adam. Merci Antoine. Merci Enzo Antoine. Et les doigts de fée à la technique, évidemment. Le meilleur réalisateur de tous les temps. Merci à toi Antoine. Merci Doug d'avoir jeté un oreille. Bah, merci de m'avoir invité. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Radio Antigone et sur Phil FM. Bye bye. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.